Depuis matin relevé, tombé fait jalousie, et puis tombé babillé, tant couvier sauce ici, ou levé ou sorti, ma con côté ou allé, c'est doué l'en voisinage, ou al ramassé tripotaille, l'on retourne pita, diolou tout long comme ça. Pas que mon qui parlait, et puis ou tombé relé, chaudier pas jamais monté, la vie fouillé dit feu, grand cours à bétuyé, m'sorti pas capable. Chaque 9 mois l'hôpital, non salle maternité, ou maman c'est que tu moun, ou candidat pour 6e. Pas qu'on goûte sa pralé, puisqu'on pas v'lé rété, ça sent miséricorde, moi vini fourré comme, au gayon vie pratique, son machin à cassant, acheter crédit tout le temps, et puis ou pas v'lé payer, pour lui mander ou l'argent, pour voyer l'y côté. Tant qu'on va jamba ou sans façon pour émerder moi. Faut que moi t'aimé des crans, crans pour pas salmanard. Et puis faut que moi t'aimé brave, plus brave pas se guette. Pour me t'es capable qu'un bé, à qui une femme décloquée, qui pas moins 5 timoun, qu'un 2 qui pas pour moi. Ou pas mon vieux beau frère. Qui pas j'enfle travail, toute la journée chita, tant qu'on la veille caille, manger pas jamassé, pour faire manger en pile, ma chaîne a quitté ça, me senti pas capable encore, senti pas capable encore, me senti pas foutre. Capable encore. Allez-vous.